France Bleu, 107.1 à Paris, la radio des Parisiennes, des Parisiens qui bougent, qui fait soi, à une heure maintenant de l'an nouveau. Et que nous réserve la météo du premier jour de l'année, demain jeudi. Attention au brouillard givrant, particulièrement chez vous dans les Yvelines, du côté de Rambouillet, moins 3 degrés au lever du jour. Entre 0 et moins 3 les températures au lever du jour, moins 1 notamment chez vous à Pontoise. Et puis dans la journée, un peu comme aujourd'hui, la lumière d'hiver, mais la lumière tout de même, le soleil brille sur l'ensemble de la région parisienne. Les températures au meilleur, allez, jusqu'à 4 degrés. Encore à la maison, mais quand même, sortez. Alicia Bridges, I Love the Nightlife. Ça nous donne envie de sortir, justement. Ceci dit, on est très bien avec vous. Tout de suite, le live du soir, avec une pensée particulièrement émue pour Eric Bamy, qui nous a quittés le 27 novembre dernier. Ils étaient réunis ce soir-là sur la scène des concerts privés présentés par Élodie Suigo, concert France Bleu, Vigon, Bamy, Jay, les Soulmen, qui rendent hommage, vous allez l'entendre, à un autre immense Soulmen. Ça va, ça vous plaît? Oui. When it ships roll in, and I watch them roll away again. Whoa. Sitting on the dock of the bay, yes, it is. Watching the tide roll away. Cool. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Home to Georgia, headed for the Frisco Bay. I had nothing to live for. Looked like nothing's gonna come my way. I'm just sitting on the dock of the bay. In a rest in my bones. Whoa. But loneliness, loneliness won't leave me alone. I took that in my head, I roll just to make this dark my home. I'm just sitting on the dock of the bay. Yeah, I'm sitting on the dock watching the tide. Qui vient de Dark of the Bay, le chef-d'œuvre pour posthume en quelque sorte d'Otis Redding, qui lui aussi est disparu bien vite, 26 ans à peine, tragique accident d'avion. Il y a une malédiction comme ça sur les artistes de génie. Vigon, Bami, Jay, les Soulmen, c'était le live d'un soir à Paris. La route ensemble à tout moment sur France Bleu 107.1, même un 31, surtout quand un piéton est en danger. Omar nous appelle à l'instant 01 45 27 107.1. Omar, bonsoir. Oui, bonsoir. Bah, bon réflexe, merci de nous appeler. Alors, que se passe-t-il sur la 4? Il y a un piéton qui marche sur la voie d'arrêt d'urgence. Ah. Sur la 4, en direction de la province. À peu près 500-600 mètres, il était après l'entrée à Porte de Bercy. Ah oui, d'accord. Il cherche son réveillon, lui. Mais il risque de pas arriver, ah, à ce temps-là. Mais il a pas de véhicule en panne tout le long là, où je suis passé, donc je ne sais pas ce qu'il fait. D'accord. Il marche comment? Il marche droit? Ah oui, il est assez droit. Mais par contre, il est habillé normal, quoi. Il n'a pas de gilet plus haut ni rien. Bon, ouais, prudence. Piéton donc sur l'A4, dans le sens Paris-Province, juste après l'entrée de la Porte de Bercy. Ouais. Omar, merci beaucoup d'avoir appelé. Bonne soirée, puis bon réveillon surtout. Hein. De rien, vous aussi. Hein. Bonne Saint-Sylvestre, à bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. La route ensemble en 2014, ça marchera aussi en 2015. Hein. 01 45 27 107.1. Tell you a story, baby. I'm looking out my window pane. The sky is crying, a cold misty rain. I

music ce soir. À l'instant, You Can Do It. Ça, c'est vraiment très, très funk. Al Hudson and Partners. Et puis, juste avant, il fallait quand même signaler le talent de cette grande voix soul, le Texan Vernon Gitter Davis, pour ceux qui se demanderaient. Jojo Extra, c'est tout de suite. Parce que si vous nous rejoignez depuis quelques soirs avec Capucine Fray, c'est tous les soirs Noël sur France Bleu 107.1. Chaque soir, un nouveau cadeau. Des grands classiques en même temps, ça rappelle pas mal de souvenirs. Ce soir, Capucine, on va jouer à quoi? Capucine, allô? Capucine? Bonjour, je ne suis pas disponible pour le moment. Vous pouvez me laisser un message après le bip sonore. Non mais là je peux pas vous répondre justement parce que je suis très occupée à jouer avec mon nouveau téléphone Fisher Price. Allô? Allô? Allô? Allô? Il est rouge et blanc, il a de grands yeux bleus, un nez de clown, une bouche qui me sourit et c'est un portable. Enfin, un portable, c'est plutôt un tirable. Il est équipé de 4 roues et d'une cordelette qui me permet de l'emporter partout où je vais. C'est exactement comme je le voulais. Jouer Fisher Price, le monde avec des yeux d'enfant. Bon, faut avouer qu'il n'est pas complètement dernier cri. Il date quand même de 1961. Mais il a des tas d'applications. J'apprends à compter grâce aux chiffres du cadran. J'apprends à marcher. Ou la meilleure, l'appli Réveille tes parents. Faut dire qu'il fait un sacré raffut. Et ça, c'est super efficace. Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô, tata? Allô? Laissez, j'y vais. J'adore répondre au téléphone. Oui, allô, j'écoute. Le téléphone sonne. Allô, c'est moi, Simone. Le téléphone sonne. Allô, c'est moi, Simone. Dans le genre, fait comme les grands, entre la dinette, la tête à coiffer et la panoplie du docteur, il n'y a pas photo. Le téléphone, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ah, allô? Non mais allô, quoi? Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? Et ce qui est marrant justement, c'est l'attitude des grands. Ils s'émerveillent. À l'âge de 5 ans, ils nous trouvent trop choux avec notre téléphone Fisher Price. Mais une fois ados, quand l'heure est venue de leur réclamer un nouveau téléphone pour Noël, là, c'est plus la même musique. Allô? Je veux bien garder mon Fisher Price jusqu'à 20 ans. Mais enfin, vous conviendrez qu'il n'est pas super pratique à mettre dans la poche. Allô, quoi? C'est comme si je te dis, t'es le Père Noël et t'as pas de téléphone dans ta hotte. Allô? Oh, les Jojo Extra de Capucine, elle s'amuse. Hein. En même temps, elle a pas perdu son âme d'enfant. Tout de suite, l'instant parisien qui s'y colle ce soir, pour votre plus grand bonheur, le nôtre aussi, c'est Tikenja Fakoli, africain à Paris. Je pense à toi, je t'écris d'une 3 étoiles à Cajun. Tu vois, faut pas que tu trembles ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On ne manque presque de rien. Pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Qu'ils nous ont promis des places, mais c'est par la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe, c'est un oiseau nommé Jardin. En attendant que l'oiseau s'envole, des mains noires aux doigts de fée vont tourner autour des casseroles, un soleil au cou de ma fée. Oh, un peu en exil, But it's a rainy night in Georgia. feel it's raining all over the world. Kinda lonely that, and it's raining all over the world. Oh, have you ever been lonely, people? And you feel that it was raining all over this man's world. You're talking about raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining. Et que du beau, que du bon, que du chouette dans un soir à Paris, ce soir, Rainy Night in Georgia, en 1970, Brooke Benton. Les meilleurs sont venus pour vous. France Bleu, France Bleu. Les Chevaliers du Fiel sont sur France Bleu. Alors c'est une recette que je tiens de Madame Amoureuse. Très bien. Alors attention, hein, pour l'avoir sa recette à Madame Amoureuse, il a fallu la travailler au corps. Et quand on voit le corps à Madame Amoureuse, comment il est, la travailler au corps, il y a du travail. Hein. Les Chevaliers du Fiel, 6h40, 16h50 sur France Bleu 107.1. France Bleu, 107.1 à Paris, le flash infotrafic de 23h30 avec Nicolas Olivier. Et attention, du côté de la rocade A86, un accident signalé en intérieur au niveau du port de Gennevilliers. Il y a déjà un ralentissement quand vous arrivez de Colombes. Vous patientez déjà 5 à 10 minutes. Prudence, mais c'est dans Paris hein, qu'il y a la plupart des bouchons ce soir. Le nord du 16e, le 8e, tout autour des Champs-Élysées. C'est totalement paralysé, très difficile d'accès. Évitez complètement le secteur, évidemment. Minuit approche en cette nuit de la Saint-Sylvestre et il ne fait pas bon circuler hein, autour des Champs-Élysées. En voiture. En voiture. Par contre, en transport en commun, ah, voilà. Ça se passe bien. En plus, c'est gratuit. Mais il y a des stations fermées, hein, évidemment. D'ailleurs, sur les Champs, hein, Charles de Gaulle Étoile, Franklin Roosevelt. On a aussi Passy et Duplex qui sont fermés. Et puis, plusieurs lignes sont perturbées là aussi. Des ralentissements pour la ligne 9 du métro, pour les RER B, D et E notamment. Voilà qui est complet. Merci Nico. On se retrouve dans une demi-heure. guitare funk, décidément. Taste of Honey, Boogie, Hoogie, Hoogie. C'était plutôt pas pour le texte, plutôt pour le rythme, quand même, sur France Bleu 107. Les confidences tout de suite de l'automobiliste calée, elle aussi, mais oui, Audrey Pulvar, notre consoeur dans le rétro, c'est Audrey avec Déborah Grunewald. Bienvenue, attachez votre ceinture. Dans mon rétro aujourd'hui, Audrey Pulvar. Bonjour Audrey. Bonjour, bonjour. Vos tout premiers souvenirs liés à la voiture, ça remonte à quand ? Spontanément comme ça, je pense à la 404 de ma mère. J'étais petite, c'était dans les années 70 avec ses ailes pointues à l'arrière. C'est une grande voiture blanche. Et c'est ça, je pense à cette voiture. Et à ma maman, donc habillée avec son pantalon pas de def, son chemisier à fleurs, ses jeux, ses colliers, et ses grandes boucles d'oreilles. Tournez à droite. C'était quoi votre première voiture ? Ma toute première voiture, je pense que c'était une Polo Volkswagen. Vous pensez, vous vous rappelez pas comme ça, c'est pas un souvenir précis? Si, si, non, parce que enfin, c'est la première, disons que c'est pas la première que j'ai conduite, parce qu'on m'en avait prêté une avant, mais ça a été ma première voiture à moi. Ouais. Que vous êtes achetée, quoi. Ouais. Si je regarde dans votre boîte à gants, qu'est-ce que je trouve? Alors, si vous regardez dans ma boîte à gants, vous trouvez des stylos, vous trouvez des papiers pour pouvoir écrire des petits mots, genre « je reviens dans 10 minutes » ou « joignable à tel numéro si je vous gêne parce que je suis mal garée ». Ah, parce que vous vous garez mal. Oui, très souvent. Et je me fais souvent enlever ma voiture, d'ailleurs. Et puis, des trucs qui traînent. Tournez à gauche. Imaginons une personnalité masculine vous fait le coup de la panne. Vous aimeriez que ce soit qui? Matt Damon. Vous réagissez comment? Je peux pas le dire. La décence veut que voilà, nous arrêtions là. C'est ce que dit Zebra Sands, quelque chose que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. J'ai la DeLorean de Retour vers le futur avec moi, je vous la prête. Vous avez la possibilité de revenir à un moment précis de votre vie pour changer une chose en particulier, ce serait laquelle? Celle qui m'est venue spontanément à l'esprit, je ne peux vraiment pas vous la dire. Oh, c'est dommage. Ça fait trop de buzz. Mais 2010. Non, je ne sais pas. Non, un petit peu plus tôt, en ce qui concerne vous pensez. Légèrement à fin 2009. Je ne suis pas quelqu'un qui a des regrets en général. Je ne vois pas ce que je mais il y a certains choix qui vous ont bloqué quand même dans votre évolution professionnelle, par exemple. Puisqu'à une époque, vous avez quand même été écarté de plusieurs médias, France Inter, France 2. Notamment ce studio dans lequel nous sommes. Oui, mais bon, écoutez... Voilà quoi, c'est moi j'avance. J'essaie de ne pas trop y penser. Prenez l'autoroute. Audrey Pulvar, on va mettre un peu de musique. Juste au bord de la mer, à deux pas des flots bleus. Georges Brassens, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Je l'écoute très souvent, mais je l'écoute très souvent en voiture. Et pour moi, Brassens, c'est lié à l'été. Parce qu'on partait avec, à l'époque, des cassettes. Quand j'étais... Vous savez, les cassettes. C'est quoi une cassette qu'on remonte avec un stylo et dont la bobine s'en mêle. Et c'est vrai que Brassens, pour moi, c'est lié aux grandes traversées de l'été en voiture. Vous mettez du Brassens, tout le monde chante dans la voiture, on essaie de se rappeler les paroles. Et alors, supplique pour être enterré sur une plage de 7, elle est à la fois tellement sublime et tellement longue que forcément, ça vous occupe une bonne partie du trajet. Alors, pour occuper les heures de route, on fait souvent des jeux aussi quand on est enfant. Mmh. Je vous en propose un, je vais vous donner des noms de personnalités et vous allez me les résumer en un mot. Oh, Laurence Ferrari. À la bonne copine. Roselyne Bachelot. Bonne copine coquine. Mathieu Pigasse, président du journal des Inrocs notamment. Merci pour ce moment. Valérie Trierweiler. Victime d'un système. Natacha Polony. La frondeuse. Aymeric Caron. Victime d'un système aussi. Faites demi-tour. Dernière question, si on regarde droit devant et plus dans le rétro, comment vous vous imaginez dans les années à venir? Le rêve pour moi, ce serait dans 15 ans, d'avoir une petite maison quelque part en Afrique du Sud, au bord d'un lac, et d'écrire des livres. Vous êtes arrivé. Merci beaucoup Audrey Pulvar. Merci. Just get on board. All you need is On se fait plaisir ce soir, c'est normal, c'est le dernier de l'année pour un soir à Paris. Moving Brass Construction. Et on continue, et on continue. Show me a river that's so deep. Show me a mountain so high. I'll show you love that'll last forever. Flying high. Show me a place where dreams are for dreamers, and all the things you wish come true, yeah. I'd wish the world had all happy people, then there'd be no more wishing to do. and touch my soul. Give my life so much meaning, and everyone a heart of gold. Continue dans un soir à Paris, particulièrement ce soir, Sweet Love et les Commodores. Un ange est tombé, un autre passe, une page est tournée, même si rien ne s'efface. Quelle est ta blessure? Où est la mienne? Y a-t-il des douleurs qu'on mesure qui s'apprennent? Alors laissons aller. Je vis, je crie, je pleure, j'oublie. Je marche, je danse, je tombe et j'avance. Et j'ai le même sang que toi. Je perds, je doute, je parle. Je change, je plais ou je dérange. Et j'ai le même sang que toi. Les mêmes questions, les mêmes doutes. Un seul horizon, tout au bout de nos routes. Alors laissons aller. Je vis, je crie, je pleure, j'oublie. Je marche, je danse, je tombe et j'avance. J'ai le même sang que toi. Je perds, je doute, je parle, j'écoute. Je crois, je change, je plais ou je dérange. Et j'ai le même sang que toi. Je brille, j'ai peur, je ris, je meurs. Je joue, je gagne, j'ai mal et je me soigne. Et j'ai le même sang. Que toi. Je vis, je crie, je pleure, j'oublie. Je marche, je danse, je tombe et j'avance. Et j'ai le même sang que toi. Yannick Noah sur France Bleu 107.1. Mais lui aussi, il est là en ce 31 décembre 2014. Marc Toesca, le top des tubes dans un soir à Paris. Marc Toesca, top des tubes. 1, 6, vous vous apprêtez à faire la fête, la teuf, la fiesta, voici quelques incontournables et que toute l'équipe du Top des Tubes vous conseille. J'ai reçu de texto que vous étiez défoncé et vous vouliez faire la fête. D'abord, pour l'échauffement, faire monter la température, bref, le warm-up, essayez, volume à fond bien sûr, le Tiki Tiki Tac de Carapicho, classé numéro 1 au mois de juillet 96. Allez, tout le monde sur le dance floor. Bate forte o tambor. Bate forte o tambor. Eu quero é tiqui, tiqui, tiqui, tiquita. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. On est chaud bouillant, c'est ambiance folie, alors ne baissez pas les bras car voici le numéro 1 du printemps 2000. Le premier vrai carton de ce début de siècle. Yannick, ces soirées-là. Ah bah oui, au Macumba. Le Macumba, c'est l'usine, c'est vraiment... Ah, puis si tu t'arrangeais aussi un petit peu, Macumba. Arrange-toi. Tiens, mets-toi un petit peu de rouge à ongles. Aujourd'hui, le Top des Tubes, c'est spécial DJ, spécial ambiance et déconne. 36-15, code mort de rire. Aujourd'hui, vous êtes les rois, les kings du Macumba. Alors gardez le tempo, faites fondre le dance floor avec cet ex-number one planétaire, Eiffel 65 Blue Dabadi. Depuis 1984, le Top 50 a fait la part belle à tous les titres de dance, dont une grande majorité s'est retrouvée un jour classé numéro 1. Le plus célèbre de tous, si je vous dis « Et tu tapes, tapes, tapes !» Si je vous dis « Et tu chantes, chantes, chantes !» Allez, les bras en l'air, début de soirée, numéro 1 des ventes, c'était en 88. Star des années 80, c'est parti. Ouais, y a pas de saison pour... C'est numéro 1 du Top, c'était en 1988. Et c'est bien, il a su rester très jeune finalement, Marc Touriska. Demain pour d'autres souvenirs. Ceci dit, Marco, tu nous en veux pas, on va te laisser tes disques et puis on va garder les nôtres. Sister Sledge, Nile Rodgers était déjà à l'œuvre avec l'autre sorcier Bernard Edwards, American Girl, c'est maintenant dans un soir à Paris. Alors une petite pour la route, Nicolas Olivier, hein, tu apprends à la Chunga. C'est bientôt minuit. On laisse trémousser sur les Champs-Élysées. À suivre, le flash infotrafic, ce sera le dernier, c'est historique, de l'année 2014. Il va le slammer, il me l'a promis. Nicolas Olivier, à suivre. Hit and Run Lover. Et c'est sur ce rythme endiablé que Nicolas Olivier va poser le dernier flash info trafic de la 2014 sur France Bleu 107. Vas-y mon ami. Et pas forcément en slam, hein, mais bon, en tout cas, il n'y a pas grand chose à dire sur la route puisque tout est fluide, sauf dans Paris, hein, parce que sur les Champs-Élysées où ça commence à déboucher le champagne, eh bien, c'est très difficile d'accéder aux champs et tout le quartier est bouclé. Beaucoup de difficultés pour approcher le secteur, évidemment. Ne vous y aventurez pas. Par contre, les transports en commun, allez-y, c'est gratuit. Il y a des stations fermées, on va le rappeler, Duplex, Passy ou encore Charles de Gaulle Étoile et Franklin Roosevelt. Mais sinon, ça se passe pas mal, hein, sur les réseaux de transport en commun. Et puis, bah, les Champs-Élysées, hein, vraiment le point noir de la soirée. Niveau circulation, Olivier. Il est bon, ce Nico. Ça y est. On y est, France Bleu, sans s'éteindre à Paris, la radio des Parisiens qui bouge. Bienvenue en 2015. Bonne année. Salut, c'est Benabar. Bonne année sur France Bleu. France Bleu, écoutez, on est bien ensemble.